Alors tu m'as scié, tu me refuses ton aide. Mais les amis doivent céder, il faut que tu me cèdes. On va pas s'engrainer, non, non, quand gagne la gangrène, il faut savoir lâcher le morceau, le trancher, qu'il soit dur, n'importe quoi. C'est de se pencher pour rentrer dans le vif du sujet. Alors empêche-moi, empêche-moi, empêche-moi. Baisse-toi donc une bonne de toute manière, un jour ou l'autre finit par tomber le couperet. Autant s'y faire, car on ne peut pas y couper. Et quitte à dire n'importe quoi, autant être précis. Un jour ou l'autre finit par tomber le couperet. Autant s'y faire, car on ne peut pas y couper. Alors quitte à dire n'importe quoi, autant être précis. Merci beaucoup.